Merci à vous, Président Manakani. Puisque la CEDEAO dit désormais s'inquiéter de cette démarche prise par les autorités de la transition du côté du Mali, est-ce que clairement, si on devait lire entre les lignes, il faut craindre les jours qui arrivent? Est-ce que des jours mauvais s'annoncent pour le Mali? Bertrand nous disait tout à l'heure que la CEDEAO ne représente rien, il n'y a plus, elle n'est pas capable véritablement de mettre à mal cet état du Mali, même si elle allait par la force, c'est-à-dire utiliser une armée d'ailleurs qu'elle n'en dispose pas. Alors, pourquoi s'inquiéter donc de la démarche malienne? Qui s'inquiète? La CEDEAO. Faut bien préciser qui s'inquiète. C'est la CEDEAO. Est-ce que les Maliens s'inquiètent de leur propre démarche? Non. Donc, la personne qui s'inquiète, la structure morale qui s'inquiète de cette affaire, dit-on, La c'est la CEDEAO. CEDEAO. Moi, à la suite de ceux qui m'ont précédé, je commencerai par deux données qui devrait être un indicateur d'abord des forces en présence et deuxièmement des possibilités de ces forces-là dans le rapport qui les oppose désormais. Et ce qui permettrait de bien expliquer le décret du président Assimi Goïta. Il y a une sortie du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, qui dit que pendant qu'il causait au Conseil de sécurité, je pense que tu as Oui, suivi ça, oui. et la France est venue lui dire que. Qu'est-ce que tu viens faire en Afrique? C'est notre chasse gradée. Tu n'es pas chez toi. Comment tu peux venir? Qu'est-ce que tu viens faire en Afrique? C'est notre affaire. Nous, on est fâchés parce que tu es venu te mêler de De nos nos affaires. affaires. L'Afrique, ça appartient à l'Europe et à la France. Oui. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, l'a dit, il a Public. dénoncé ça Public. publiquement. Oui. Bon, il n'y a qu'en Afrique où les choses comme ça passent comme ça. Oui. Oui. Il n'y a qu'en Afrique où ça passe comme ça. Oui, on s'en fout. Ça passe comme ça, les Oui, Africains sont les là, épaules, ils ils rient. racontent, ce sont les Africains. Ils regardent le football, Et oui. tout ce qui n'est pas important dans la vie, Ce tout qui ce qui est est. émotif. Ça, ils se comportent comme si, comme les esclaves qui sont très heureux d'être des esclaves dans une plantation d'esclaves. Et que de temps en temps, le propriétaire d'esclaves donne des plaisirs, il organise les danses, Oui. il organise il crée une église, la danse, il organise les défilés de mode et tout, et les esclaves sont contents, ils portent les habits. Il manque un peu, on va voir la queue derrière qui s'agite comme ça. Heureusement, ce n'est pas tous les Africains qui sont dans ça. Sergei Lavrov a fait une sortie pour Oui. dénoncer, d'après vous, Oui. pourquoi le ministre des Affaires étrangères russe dénonce Oui. ça? Posez-vous la question. Pourquoi il aurait pu se taire? Oui. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. D'autres se sont tus. Mais pourquoi le ministre Sergei Lavrov dénonce ça? Mais ça devait interpeller les Africains que le ministre des Affaires étrangères russe dénonce de tels propos qui ont été faits sous le confidentiel, dans une causerie aux Nations Unies, discussion, mais il en sort. Quand il rend ça public, Public. c'est entre autres pour que les Africains prennent Prennent le conscience. relais. Il est en train de vous dire, comme tu dis, mais tu dis, que les C'est Africains prennent le relais. tout. C'est de cela Vous qu'il s'agit. dénoncez, c'est tout. C'est de cela qu'il Le s'agit. comportement. Donc, vous comprenez donc que. Moi, je vous pose une question alors. À partir de là, il y a les questions qui doivent s'en suivre automatiquement. Si l'Europe et la France disent au ministre des Affaires étrangères russe que l'Afrique, le Sahel, c'est leur chasse gardée. La CEDEAO, c'est quoi alors? Par analogie, c'est aussi la chasse gardée. C'est tout. Tu as tout compris? C'est tout. C'est une déduction simple. Donc, ça veut dire que c'est l'Europe et la France qui ont créé la C'est CEDEAO. tout. C'est tout. Et les faits ont démontré dernièrement que l'agenda de la CEDEAO est dicté depuis Paris. C'est le petit garçon de l'Élysée qui dicte l'agenda. Dicte l'agenda. Allez, fais la réunion. Je vous donne 2 jours. Et dans 2 jours exactement, il y a réunion. Même les gens qui ont soit 15 ans, 80 ans, comme le président du Ghana, Ils sont là. ils sont là, ils obéissent aux ordres d'un petit garçon. Petit garçon qui en plus est mal éduqué et mal élevé. C'est-à-dire, il suffit de prendre son éducation pour dire qu'on ne parle pas avec lui. Il suffit de lui rappeler ça. Vous mettez à sa place. Vous le mettez à sa place. CEDEAO, c'est. Donc on comprend ce qui est en train de se passer. La deuxième variable analyse dans cette affaire, c'est que. Alors, parlons même de la CEDEAO. Ces sanctions sont. Il est démontré, on l'a démontré ici, et c'est démontré, c'est établi, qu'elles étaient illégales d'abord. D'après les tests formels de la CEDEAO. Je dis tests formels parce qu'on sait qui a créé la CEDEAO. Donc il y a un formalisme politico-juridique pour distraire comment dire ça, les endormis. C'est écrit pour les idiots, quoi. On a écrit ça pour idiots. une organisation a un test qui est formel. Qui est formel. Ça fait, on se vante avec ça. Il y a des institutions qu'on met en place. Les gens mettent la veste éclairée pour dire que, non, je suis dans l'organisme de la CEDEAO. Moi. Je suis le poids, le secrétaire exécutif de la commission de la CEDEAO. Je dis que moi, je suis le chargé de la Cour de justice de la CEDEAO. Ils se prennent au sérieux, font des réunions. Mais le vrai pouvoir, la vraie organisation, personne ne la voit. Son siège est à Paris. C'est tout. C'est là où on décide quand c'est sérieux. C'est là où on décide. Et tout le monde a vu ça. Ici, il y a un Africain qui me dit qu'il ne connaît pas ça maintenant. La CEDEAO. Bon, alors, ses propres tests. Elle les a violés grossièrement. Les sanctions n'ont aucun fondement légal. Et cette illégalité, on la constate sur la base des tests de la CEDEAO. Oui. Le monde démontré ici. Bon, à partir de là, s'il n'y a pas un problème dans ce continent, comment des sanctions illégales, mais plus graves, imposées par un État étranger qui s'appelle la France, et par un petit garçon qui sautille partout dans le monde entier, dit que le président de l'Afrique, que l'Afrique lui appartient, hein, avec le concours de gens comme la Chine, Bembe et consorts, les sommeilleurs de Montpellier, d'autres. Sommet du Camembert. Mais comment, à partir de ces deux variable d'analyse, il y a des questions que nous continuons à nous poser, mais on fait semblant de ne pas voir ce qui se passe. Comment? Donc, l'inquiétude vient de quoi? Les sanctions n'ont pas produit les effets escomptés. Alors, c'est comme ça que vous analysez les analyse pas, c'est un fait. Pas l'analyse, c'est un fait. Puisque vous n'avez pas vu le terroriste en chef qui est en Côte d'Ivoire, et c'est là caché. Vous n'avez pas vu les vidéos. Vous faites comme si vous n'avez pas vu ça, Mondovision. Oui. Hein? Il a tout fait pour renverser le régime malien. Oui. Il a tout fait, et il n'était pas seul. Il a tout fait, oui. Sur ordre de M. Macron. Oui. Il a tout fait. Ça a échoué. Les sanctions participaient d'une stratégie de renversement du régime. C'est clair et c'est net. Les audios existent. Il y a même les audios, les vidéos qui existent. Comment il avait pris en otage la CEDEAO lors d'une réunion, le terroriste en chef qui est en Côte d'Ivoire. Les vidéos existent, c'est sûr. Ouais. Comment vous ne voyez pas ça? Ouais. Hein? Les vidéos ont été publiées. Publiées. Comment il a pris en otage une réunion de la CEDEAO sur ordre de son patron de l'Elysée, pour dicter la conduite à tenir. Et le but était d'asphyxier le Mali et de renverser ce régime. C'était clair et net. Le régime n'a pas été renversé au Conseil. Au contraire, il a été renforcé sur le plan de sa légitimité démocratique, au sens vrai du mot. Pas les fanfaronnages de la jupette qui dirige l'Union européenne. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Les sanctions n'ont pas abouti. Mais plus grave, il y a un mouvement de fond que ça a suscité dans la sous-région, au niveau des peuples, au niveau des forces vives, des milieux d'affaires. Alors, M. Macky Sall, son comportement change. Pourquoi? Parce qu'il est sous la pression, oui. Non des hommes d'affaires, oui. Mais du peuple. Oui. Du peuple. Je vais vous rappeler qu'il y a une marche des Sénégalais qui ont marché à pied du Sénégal pour aller au Mali. Côté de à Bamako. Oui. Je dis à pied, hein? C'est un symbole, ça. C'est un symbole fort. À pied, ils ont marché pour dire non aux sanctions. Ils ont été accueillis au Mali. Pendant au moins un mois, comme les héros. Et les hommes d'affaires viennent encore à écrire à Macky Sall. Ouais. Ils viennent encore de lui écrire pour dire que cette affaire-là, c'est de la folie ou c'est quoi? Le patronat, c'est plein. Nous sommes à terre. L'argent qui venait chez nous maintenant, comment? Ça va en Guinée-Conakry et en Mauritanie. Et si ça continue comme ça, les Maliens vont adapter leur économie. Désormais, même quand on va vouloir revenir, sera tard. Oui, trop tard. Exact. Parce qu'ils auront réorienté les flux qui nous profitaient, nous, les hommes d'affaires. Quand tu es assis dans un palais, tu sais comment nous on vit ici, tu nous parles de la CEDEAO, c'est quoi? Nous voici quoi? À terre. Et les gens, nous allons fermer. Nos affaires vont péricliter. Ils ont écrit à leur président. Bon, le terroriste en chef de la Côte d'Ivoire, il s'en fout. Son père, il va aller prendre l'argent, les dettes. C'est pas lui qui va payer. C'est tout. Il va prendre les dettes, ils vont se partager là-bas. Oui. On a investi au port, on a fait des machins comme ça, tout ça. Quelqu'un qui a près de 27 000 milliards d'endettement. Pour seulement développer le plateau. Le plateau. Donc, pour dire que les sanctions n'ont pas eu l'effet escompté, mon cher, mais il y a plus grave. Entre-temps, il y a eu d'autres ce qu'ils appellent coup d'État, d'autres coups d'État qui ont suivi, et qui ont profité de la jurisprudence malienne, c'est-à-dire comment, à partir d'un mouvement populaire qui aboutit à la prise de pouvoir par les militaires, c'est ça le cas du Mali, parce qu'on parle de coup d'État, c'est la rue qui a fait tomber Ibeka. Les militants ont seulement pris, ils ont encadré un mouvement, et ils ont, dans un accord avec les forces populaires, ils ont pris le pouvoir. Donc c'est clair. Mais après, il y a eu deux coups d'État, oui. Au Burkina et à Guinée-Conakry. Alors, regardez ce qui se passe jusqu'à présent. En dehors de paroles, il n'y a aucune mesure concrète qui a été prise contre soit Doumbouya, soit Damiba. On peut m'expliquer cette discrimination? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Vous croyez que ça se passe? Vous croyez que quand une organisation fait ça, elle ne perd pas sa crédibilité? Non, comment? Alors, les stratèges savent analyser ce que ça veut dire. Quelle organisation fait ça? Ça veut dire qu'elle n'est plus forte. Elle n'a plus de cohésion interne, c'est ce que ça veut dire. Bon, entre-temps, écoutez bien, on fait un forum au Ghana, un forum soi-disant Ghana, pour préparer la conférence des chefs d'État lors du sommet extraordinaire à Malabo. Oui. Le forum est manipulé par Paris. Le but est de parler d'une même voix pour aller imposer un agenda au sommet extraordinaire de l'Union Afrique. C'est ça qu'on appelle sommet extraordinaire, consacré au coup de tête, tout ce que vous voulez. Oui. Arrivé à Malabo, zéro. On a clairement vu qu'il y a des présidents qui ont zéro, qui sont opposés. Je dis que clash, niet, il n'y a même pas eu une résolution, il y a eu une déclaration sur la forme. Et avant ça, le président était rentré. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça ici. Vous avez dit faiblesse de la CEDEAO, discrédit. Et on appelle ça un amenuisement continu des capacités d'action d'une organisation sur le plan de la géodiplomatie. Après ça, après le sommet extraordinaire de l'Union africaine, il y a eu un autre sommet de la CEDEAO. Ça n'avait rien donné. C'est sorti sans sanction. Oui. Et vous êtes surpris de la réaction du président Assimi Goïta. Il tire simplement les conséquences d'un rapport de force qui lui est favorable. C'est tout. C'est clair et net. Et c'est pas de sa faute. C'est la faute de la voyoucratie qu'on appelle CEDEAO. Une organisation qu'il faut dissoudre. Il doit se cacher. C'est une honte pour l'Afrique, la CEDEAO, cette histoire. La CEDEAO, c'est le comité de base de M. Ouattara, dirigé par M. Macron, et la jupette de l'Union européenne. Une jupette, une voleuse en plus. C'est cela qu'il s'agit. Alors, donc, et même plus, il y a quoi? C'est-à-dire qu'on fait comme si c'était un événement extraordinaire. Mais la différence qu'il y a entre les délais proposés par la CEDEAO et les délais que la transition... Retenu par la transition malienne. Il y a la différence, c'est quoi? C'est quelques mois, non? Alors, pourquoi ça doit faire autant de débats? Pourtant, il n'y a pas un écart véritablement abyssal. Non, c'est-à-dire, les gens parlent... L'acte du régime du président Assimi Goïta est symbolico-géopolitique. Le Mali a proposé ça depuis très longtemps. Le Mali a proposé depuis très longtemps que, OK, nos assises ont dit 5 ans. Ouais. Ça, c'est ce qui a été proposé par les assises nationales au Mali. Bon, le régime a dit, OK, nous sommes prêts à aller à deux ans. Nous proposons 2 ans. Allez, pour la CEDEAO, vous croyez que non, ils ont refusé. Oui. Bah, écoutez, non, pas, ils ont refusé. Le Mali a même proposé des dispositions, c'est-à-dire techniques et même juridiques, pour dire que, OK, voici une architecture de négociation. Nous, on a 3 ministres que nous avons désignés, qui est dirigé par le ministre, un pôle dirigé par le ministre des Affaires étrangères, du Mali. Nous sommes prêts à négocier. Voici nos propositions. Nous sommes ouverts. Venez, on discute. Le Mali l'a fait. Le Mali a même reconnu M. Faure Yadema comme médiateur. Que nous on est prêts à discuter. Mais entre-temps, la CEDEAO, qui boit le lait que le garçon de l'Élysée leur donne, quand le lait est chaud, ils sont chauds. Quand le lait est froid, ils sont froids. Quand le lait n'est ni chaud ni froid, ils sont ni chauds ni froids. Donc, c'est-à-dire, ils vivent aux dépens des humeurs de M. Macron. Donc, ils ont cru que vraiment la France va faire quelque chose d'extraordinaire. En quelques mois, le régime va tomber. Qu'on va manipuler les 3 frontières, la zone des 3 frontières. Mais attendez un peu, on va faire ceci. Attendez un peu. Et entre-temps, la situation géopolitique dans la sous-région ne fait que se détériorer en leur défaveur. Tout à fait. En leur défaveur. Et le régime se consolide matin, midi, soir. Alors, pour vous dire à quel niveau, il y a des bluffs. Alors, quand vous lisez les écrits des milieux propagandistes français, on dit, la sortie de Mahmoud Diko, le Mahmoud dit. Ouais. Hein, la sortie de. Il y a des politico-religieux. Voix, il y a des voix qui s'élèvent. Vous l'appelez quoi? Un politico-religieux. Vraiment. Politico-religieux. C'est-à-dire que des mafios, des mafieux, vous avez politico-religieux. C'est là. On a décortiqué son histoire ici. Il y a deux semaines ici. Mm-hmm. Bon, moi, j'ai reçu des commentaires. Des gens m'ont interviewé présent. On est d'accord avec toi, on t'aime bien, mais Mahmoud Diko, ce n'est pas l'islam. Ok, je vous concède, ce n'est pas l'islam. Ok. À mon deux visions, je dis ok. Mahmoud Diko, ce qui fait l'engagement, pas l'islam. Le président, vraiment, il ne faut pas généraliser les affaires de Mahmoud Diko à tout l'islam. Bon, vous m'écoutez ce dimanche, je vous dis ok, je vous ai compris. Mm-hmm. Bon, je reste, Mahmoud Diko, ce n'est pas l'islam. Bon, il fait la mafia, c'est un mafieux. C'est tout. C'est un mafieux. C'est tout. Alors, les milieux là disent que non, vraiment, ça a sorti, machin. Vous, ça dit que c'est la débandade. Ça dit que ce n'est pas la débandade. Comment ces milieux peuvent croire que la sortie de Mahmoud Diko est un événement majeur au Mali à l'heure actuelle? C'est sérieux ça. Qu'il y a les dissensions, Mahmoud Diko. Et puis attention, le coup d'État montre qu'il y a les dissensions. Vous voyez à quoi est réduit la CDAO. Ouais. Quand une organisation est réduite, quand un conglomérat, un complexe géopolitique mafieux, n'est-ce pas, CDAO, Paris, Union européenne, tous ces machins-là, le chef terroriste qui est Abidjan, tous ces machins-là, quand ils sont réduits à ce genre d'expédients pour croire que quelque chose peut être fait, c'est la débandade totale. Et les autorités maliennes sont conscientes de ça. Elles assument une mission historique. Il y a un cap qui est fixé, qui est clair dans leur agenda. Ils maintiennent ce cap et c'est tout. Le reste va suivre. Moi, je vous l'ai dit ici. Aucune force ne va déstabiliser le Mali. Et moi, je répète encore cet après-midi. Aucune force ne va déstabiliser le Mali. D'accord, président. Merci à vous.